Le petit gourmi s'emplissait de gaieté. Aïcha s'était mise à chanter. « Brillez, brillez, vous tous ne valez que du vent. Moi, j'ai ma chance belle et ma lampe illumine. Tout ce que le maçon construit s'élève et tombe. Tout ce qu'a construit mon rêve, tout me réussit. » La vieille Messa Wada épiait sa fille du coin de l'œil, étonnée, heureuse du changement qui s'était opéré si brusquement en elle. Levée dans le premier rayon d'Allah, Aïcha vaquait à l'ouvrage, fredonnant de ses berceuses marocaines où la joie de vivre s'exhale en exclamations de défi, en calembours à l'égard de ceux qui jadis vous narguèrent dans la détresse. Les nattes étaient lavées, les outres secouées de leur poussière, les yatagans d'ancêtres s'exhumaient de la rouille, le couscous fumait sur le seuil au-dessus du petit fourneau de terre cuite. La cabane prenait un air d'aisance et de fraîcheur. Et avant la nuit, trois ou quatre de ces dolmans de turcos sortaient achevés des mains de la jeune fille qui ôtait l'aiguille aux doigts de sa mère, voulait assumer à elle seule toute la tâche. Tous les soirs, après le coucher du soleil, elle retournait à la fontaine puiser de l'eau pour sa cruche et de l'ivresse pour son cœur. Diden était toujours là, qui l'attendait. Et de l'apercevoir à distance, si majestueux sous ses burnous, de penser que le bey de son enfance était revenu à elle, elle oubliait tout, les malédictions qui étaient passées sur sa tête, sa misère, et jusqu'au danger de pareilles entrevues. Diden avait complètement terminé ses études à la Médersa. Il attendait que ses 17 ans fussent écoulés pour oser parler de mariage à sa mère. Déclaré à cette mère si austère qu'il voulait épouser Aïcha, la fille du Bani, la bédouine misérable qui s'en allait sans une coiffe, les cheveux poursuivis par le Satan. N'importe. Son grand amour lui donnerait du courage, et il l'avouerait sans rougir. Il attendrait seulement l'instant favorable. Pour le moment, il passait ses journées à la maison, taciturne, retiré dans sa grande chambre du fond de la cour. Tandis qu'au dehors, le soleil enflammait les routes, et que toute la famille s'abandonnait à la volupté des siestes sous les figuiers du jardin, allongée sur son matelas de soie, dans une gandoura immaculée, au milieu de l'isolement frais des mosaïques, il contemplait son rêve, ou bien s'essayait à composer sur sa tablette des hymnes à la louange de sa gazelle, dans la manière des vieux maîtres marocains. Dès que la chaleur tombait, il s'habillait de ses plus beaux costumes et sortait, un livre à la main. Un moment, il errait dans le petit bois de cyprès, où achevaient de chanter les cigales. Toutes les femmes du voisinage venaient emplir leurs cruches au puits des sept vierges et n'en finissaient pas de capter. C'est avec un trépignement d'impatience qu'il appelait la voix du muezzin libératrice. Aïcha arrivait alors, et près de la fontaine abandonnée, recommençait le duo d'amour plus brûlant que la veille. « Combien mon âme te désire? Quand ouvriras-tu ma couche? Quand nos poitrines s'uniront-elles avec nos voiles? Tes paroles me grisent, ô mon bien-aimé, mais patience. Nous avons passé les mers, restent les ruisseaux. Tes 18 ans sont là, près de ton oreille. Seulement, ni l'un ni l'autre ne s'apercevait que là-haut, dans la grande maison blanche, un petit rideau de soie se soulevait à une lucarne en ogive. Un foulard d'or s'agitait derrière la vitre bleue. Et lorsqu'Aïcha s'était éloignée, la foi au cœur, le foulard d'or s'évanouissait, le petit rideau de soie retombait sous une poussée frémissante.